Radio 21. La nuit continue en musique sur Radio 21 avec les artistes du Fuse. Ce soir, nous écouterons Christian Smith d'abord et ensuite Psychogène. Bonne nuit sur Radio 21.